إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture des hadiths du chapitre du repentir du livre d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala intitulé Les Jardins des Vertus. Et nous allons aujourd'hui commencer la lecture d'un long hadith très riche en enseignements et qui concerne le repentir d'un noble compagnon appelé Ka'b ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et au regard de la longueur de ce hadith, nous n'allons pas pouvoir le faire en une seule assise, et nous allons directement lire sa traduction en français, accompagnée de quelques annotations, incha'Allah ta'ala. Mais avant de commencer la lecture, je tiens à attirer votre attention sur la situation de l'événement qui nous est rapporté dans ce hadith. Ka'b ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il rapporte le récit de son absence lors de la bataille de Tabouk, une bataille qui a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les Byzantins se réunissaient et réunissaient leurs forces contre lui, il décida de les devancer et se rendit à Tabouk où il resta durant 13 nuits sans que l'ennemi ne se présente à lui. Puis suite à cela, il retourna à Médine. Et cette expédition eut lieu durant les jours de forte chaleur, au moment où il plaît aux gens de rester à l'ombre, et au moment où les fruits deviennent mûrs, et sont donc agréables à manger. Et les hypocrites firent donc prévaloir l'amour de ce bas monde à celui de l'au-delà, et ne répondirent pas à l'appel pour cette expédition. Mais ils préférèrent rester au frais, à l'ombre des arbres fruitiers pour en manger. Tandis que les vrais croyants, ils sortirent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne furent pas tentés par cela, ni même découragés par la longueur du voyage qui les attendait, la longue distance à parcourir, les difficultés qu'ils allaient rencontrer, ni par la forte chaleur sous laquelle ils allaient voyager. Mais Ka'b radiallahu anhu s'est absenté lors de cette expédition alors qu'il faisait bel et bien partie des vrais croyants. Et il nous a lui-même rapporté les circonstances de cette absence, puis de l'épreuve qui a suivi cela, et comment il s'est ensuite repenti de ce qui lui est arrivé, et ce afin que nous en tirions des leçons et des enseignements. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a donc dit, Abdullah, qui est le fils de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, était parmi ses enfants celui qui lui servait de guide lorsque ce dernier devint aveugle. Lorsque Ka'b vieillit, radiyallahu anhu, il devint aveugle, et son fils Abdullah lui servait de guide. Et c'est lui qui rapporte de son père ce hadith. Il a dit, « J'ai entendu Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, raconter son histoire lorsqu'il manqua à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'expédition de Tabouk. Ka'b a dit, « Je n'ai jamais manqué à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au cours d'une expédition qu'il entreprit, à l'exception de l'expédition de Tabouk. Je fus certes absent à la bataille de Badr, mais personne n'a été blâmé pour ne pas y avoir participé. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans n'étaient sortis que pour intercepter la caravane de Quraysh, jusqu'à ce qu'Allah réunisse entre eux et leurs ennemis sans que cela ne soit prévu. Mais je fus présent la nuit d'Al-Aqaba, la nuit de l'allégeance, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au cours de laquelle nous fîmes serment de nous soumettre à l'islam. Et je n'aurais en aucun cas souhaité échanger ma présence en cette nuit-là contre la participation à la bataille de Badr, bien que les gens se souviennent plus de Badr que d'Al-Aqaba. » Donc Ka'b radiallahu anhu, il commence ici par évoquer sa situation. Il nous explique qu'avant l'expédition de Tabouk, il a toujours répondu présent à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de toutes les batailles. Il avait donc l'habitude d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses différentes expéditions. Et en dehors de Tabouk, la seule bataille à laquelle il n'a pas participé, radiyallahu anhu, c'est celle de Badr. Et il nous explique pourquoi il nous met en avant son excuse. Il dit ceux qui ont participé n'étaient pas blâmés. Car ceux qui ont participé à la bataille de Badr n'étaient pas nombreux, étant donné que cette bataille à la base n'était pas prévue. Et Ka'b radiyallahu anhu se console en évoquant le fait qu'il était tout de même présent lors du serment d'allégeance la nuit d'Al-Aqaba. Cette allégeance qui fait partie des plus grands événements auxquels ont participé les compagnons radiyallahu anhum. Et on voit à travers cela la permission pour l'homme de mentionner certaines de ses actions à titre de proclamation des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Car Ka'b ici radiyallahu anhu, il mentionne avoir participé à ces batailles, à avoir été présent au serment d'allégeance, afin de montrer les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Et l'objectif ici n'est en aucun cas la vantardise ou l'ostentation. Car celui qui fait part de ses œuvres et de ses actions, dans le but de s'en vanter, ou dans le but de recevoir les éloges ou les compliments des gens, alors celui-ci est blâmé. Il risque de perdre la récompense de ses œuvres desquelles il se vante. Mais Ka'b radiyallahu anhu ici, il fait cela dans le but de proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et nous montrer que, malgré son rang, malgré son assiduité à répondre aux appels du messager sallallahu alayhi wa sallam lors de toutes les expéditions précédentes, il a tout de même manqué à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'expédition de Tabouk. Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique que nul parmi nous ne doit se reposer sur ses œuvres passées. Aujourd'hui, si tu es dans une bonne situation, que tu as emprunté la voie de la droiture, que tu as fait certaines bonnes actions, et que tu y es assidu, que tu es assidu à tes prières, assidu à l'aumône, assidu au jeûne, et ainsi de suite, parmi les bonnes actions. Tu dois toujours avoir en tête que tant que tu es encore vivant, la route est longue et tu n'es pas sûr d'atteindre la bonne destination. À tout moment, il peut arriver à l'homme de faiblir. À tout moment, il peut arriver à l'homme de changer de direction et ainsi de suite. Donc ceci est une exhortation immense en réalité. Ne pense pas que tes œuvres passées sont suffisantes, mais il est nécessaire que tu restes ferme sur ce chemin jusqu'à ton dernier souffle et que tu meurs en pleine soumission. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Ensuite, Ka'b radiyallahu anhu a dit, en ce qui me concerne, lorsque j'ai manqué à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'expédition de Tabouk, je n'avais jamais été aussi fort, ni aussi aisé que lorsque j'ai manqué à son appel pour cette expédition. Par Allah, avant cette expédition, je n'avais jamais possédé deux montures en même temps, jusqu'à les posséder pour cette expédition. Ici, Ka'b radiyallahu anhu nous décrit sa situation à ce moment-là. Il nous explique que toutes les causes matérielles étaient réunies pour qu'il se rende à cette expédition. Il n'avait jamais été aussi fort. C'est-à-dire que ce n'est pas la faiblesse qui l'a empêché de répondre à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'avait jamais été aussi aisé. C'est-à-dire que ce n'est pas le manque de moyens qui l'a empêché de répondre à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il nous dit même qu'il possédait deux montures, chose qu'il n'avait jamais possédée auparavant lors des expéditions précédentes. Donc ici, Ka'b radiyallahu anhu, il nous informe de cela dans le but de nous exhorter, dans le but que l'on tire des leçons de ce qui lui est arrivé. Ceci ne fait pas partie du dévoilement des péchés qui est interdit. Mais l'objectif est de nous raconter ce qui lui est arrivé afin que l'on médite sur cette situation. Regardez un homme fort, un homme aisé, qui possède tous les moyens de partir à cette expédition. Malgré cela, il a manqué à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon ici? On tire une leçon immense, qui est que les causes matérielles ne suffisent pas à concrétiser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te repose pas sur les causes matérielles. Regarde ici, il possède toutes les causes. Pourtant, il a manqué à l'appel pour cette expédition. Ceci est une exhortation immense. Ceci t'appelle à ne pas t'en remettre seulement aux causes matérielles dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, mais à implorer l'aide de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde la réussite. comme on rapporte des compagnons radiallahu anhum, qui se rappelaient que si ce n'était Allah, ils n'auraient pas été guidés, ils n'auraient pas prié, ils n'auraient pas donné d'aumône. Tu dois être conscient de cela. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te facilite pas son adoration, même si tu possèdes toutes les causes matérielles pour te soumettre à ses ordres, alors tu ne pourras rien faire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont une compréhension limitée qui se limite seulement aux causes matérielles. Et ils pensent que si les causes matérielles sont absentes, ils ne pourront en aucun cas atteindre leurs objectifs. Et que si les causes matérielles sont présentes, alors ils y arriveront forcément. Et ceci est une grave erreur de compréhension. Prenons l'exemple de la hijra, l'émigration sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le délaissement d'une terre de mécréance pour se rendre dans une terre d'islam. Nombreux sont ceux, concernant l'accomplissement de leur hijra, à s'en remettre seulement aux causes matérielles, au point même parfois d'exagérer à ce sujet, et d'exiger de posséder telle et telle et telle chose qu'ils ne possèdent même pas en terre de mécréance, afin de pouvoir se soumettre à l'ordre que son Seigneur subhanahu wa ta'ala lui a adressé, qui est de quitter la terre de mécréance pour se rendre en terre d'islam. Et ceux qui agissent de cette manière et s'en remettent aux causes, oubliant que tout est entre les mains du Seigneur de ces causes et du Créateur de ces causes, alors bien souvent ils sont abandonnés à ces causes, wal'iyadu billah. Et c'est pour cela que l'on voit nombre de personnes posséder toutes les causes matérielles nécessaires pour vivre en terre d'islam. Certains ont parfois même une maison, de l'argent, des richesses et ainsi de suite. Mais ils retardent encore la hijra. Ou voire même ils la délaissent et n'y pensent même plus. D'autres ont été facilités pour franchir le pas, faire la hijra et quitter la terre de mécréance pour la terre d'islam. Ont possédé tous les moyens pour pouvoir rester y vivre, comme habitation, argent, moyens et ainsi de suite. Et malgré cela, ils ne restent pas fermes et reviennent sur leurs pas, wal'iyadu billah. Et on parle ici de choses concrètes. Donc si on sait que ce problème est présent dans notre communauté, on doit en chercher les causes afin d'y remédier. Et la principale cause est le fait que ces gens s'en remettent de manière excessive aux causes en pensant que ces causes suffiront pour qu'ils soient stables, oubliant que la facilité provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'en remet aux causes, Allah l'abandonne aux causes. Et bien souvent également on observe chez nombre de nos frères et sœurs la négligence des causes religieuses, la négligence de l'assiduité à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la négligence de l'apprentissage de sa religion. Tout ceci sont des causes religieuses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala facilite à son serviteur vertueux l'accomplissement de ce qui lui a ordonné. Donc ce qui est légiféré, c'est de faire les causes pour atteindre tes objectifs, mais de ne pas t'en remettre aux causes. Mais tu places plutôt ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avance sur le chemin de son obéissance, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu nous dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaitait entreprendre une expédition, il avait pour habitude de ne pas informer de l'endroit qu'il visait et de laisser penser qu'il se rendait ailleurs jusqu'à cette expédition. Pour cette expédition, il n'a pas fait cela, mais il les a informés. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprit cette expédition sous une chaleur intense. Il avait un voyage d'une longue distance à parcourir et allait faire face à de nombreuses difficultés. Et l'ennemi à affronter était nombreux. Il annonça donc aux musulmans ce qui était visé, les informant de la direction qu'ils souhaitaient prendre afin qu'ils s'y préparent. Donc on voit à travers cela qu'il est permis pour le dirigeant des musulmans de cacher certaines choses aux gens lorsqu'il y a un intérêt en cela. Et les dirigeants ne sont pas tenus d'informer la masse et d'informer le peuple de toutes leurs affaires, mais ils évaluent en cela les intérêts et les méfaits qu'il y a dans le fait d'informer les gens ou de le cacher. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de ne pas informer de l'endroit qu'il visait, il le cachait. Par exemple, s'il souhaitait se rendre vers le sud, il laissait penser qu'il allait se diriger vers le nord. Pourquoi ? Afin d'éviter qu'en cas de présence d'espions, l'ennemi soit informé du chemin qu'il allait prendre. Donc il y a un intérêt en cela. Il n'informe donc pas les gens de la direction qu'il va prendre. Mais ici, il les prévient pourquoi ? Car la distance à parcourir est longue. Le voyage qu'ils s'apprêtent à faire est un voyage difficile, et ils vont faire face à un ennemi qui est nombreux. Donc, il avait besoin que les compagnons, radiyallahu anhum, se préparent à cela. Il y avait donc ici un intérêt à les en informer. Et c'est pour cela qu'il les a informés, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, radiyallahu anhu, les musulmans aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, étaient nombreux, et leurs noms n'étaient consignés dans aucun livre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de registre à cette époque. Un registre dans lequel on note les noms de tous les participants aux batailles et aux expéditions. Et le premier à avoir instauré les registres est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc ici, il nous dit que les musulmans étaient nombreux et leurs noms n'étaient consignés dans aucun livre. Ka'b poursuit en disant, tout homme voulant s'absenter pensait alors que son absence passerait inaperçue, sauf si une révélation descendait à son sujet. Étant donné que les noms n'étaient pas consignés, les gens pensaient que leur absence ne se ferait pas remarquer, sauf si Allah les dévoilait. Ensuite, il dit, radiyallahu anhu, de plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entreprit cette expédition au moment où les fruits devenaient mûrs et l'ombre agréable, et j'avais un penchant pour cela. Donc, Ka'b, radiyallahu anhu, il nous informe ici de cela, afin de nous mettre en garde contre les biens vils de ce bas monde qui peuvent détourner l'homme de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la soumission à ses ordres. Chacun d'entre nous peut avoir un penchant pour certaines choses parmi les biens de ce bas monde. Et si ces biens sont licites, qu'ils te sont permis, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Toutefois, tu dois prendre garde et faire attention à ce que ton penchant pour ces choses ne te détourne pas de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas favoriser ces choses à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont ceux à se faire leurrer à ce sujet, notamment concernant les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils apprécient, ou parfois même parmi les personnes, leurs parents, leurs époux, leurs épouses, leurs enfants, et ainsi de suite. Même les personnes qui te sont les plus chères, tu dois prendre garde à ce que leur amour ne te détourne pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour toi. L'amour des parents ne doit pas te pousser à délaisser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour de l'époux, l'amour de l'épouse ne doit pas te pousser à être négligent vis-à-vis de tes obligations ou à transgresser certains interdits. L'amour des enfants, l'amour des frères et sœurs ne doit pas te pousser à agir contrairement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour toi. Mais tu dois toujours faire prévaloir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de toi. Et prendre garde aux penchants de ton âme, même si à la base ces penchants sont vers des choses licites. Car l'amour de ces choses licites pourrait te mener à l'interdit et à la négligence de tes obligations ou alors à la transgression de certains interdits, wal'iyadu billah. Ka'b poursuit en disant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se préparaient pour cette expédition. Quant à moi, je sortais le matin pour me préparer avec eux, puis je rentrais sans avoir rien fait. Et je me disais en moi-même, je pourrais faire cela quand je le voudrais. Cette situation continuait ainsi, tandis que les gens continuaient de se préparer avec sérieux. Un matin vint, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit la route, accompagné des musulmans, alors que je n'avais encore fait aucune préparation. Je sortis le matin, puis revins sans avoir rien fait. Cette situation perdura ainsi jusqu'à ce qu'ils accélèrent et qu'ils s'éloignent. Je pensais alors prendre le départ pour les rejoindre, et si seulement je l'avais fait. Mais cela ne me fut pas destiné. Donc Ka'b radiyallahu anhu nous mentionne ici les différentes étapes de son absence à cette bataille. Et il nous met en garde ici contre le fait de repousser les choses au lendemain. Car lorsque l'occasion de faire le bien se présente à toi, tu dois t'empresser vers ce bien, ne pas le repousser au risque de ne pas pouvoir l'accomplir demain. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité et t'a accordé les moyens d'accomplir certaines actions, alors empresse-toi d'accomplir ces œuvres pieuses. Ne les repousse pas, car il se peut que les jours passent et que tu en sois ensuite incapable. Ou alors que tu sois pris de paresse et que le diable prenne le dessus sur toi ou tes passions et que tu repousses cet acte jusqu'à ne pas le faire. Regarde ici ce noble compagnon radiallahu anhu. Chaque jour, il se disait « je vais sortir, je vais me préparer ». Et il pensait qu'il pourrait se préparer quand il le voudrait. Les musulmans se préparaient et lui, il ne se préparait pas. Les musulmans sont partis et il n'est pas parti avec eux. Et il pensait les rejoindre. Puis il regrette et il dit « si seulement je l'avais fait ». C'est un blâme ici qu'il adresse à sa personne, de ne pas être parti à ce moment-là. Donc tu dois méditer sur cela et prendre garde à ne pas repousser le bien que tu peux accomplir au lendemain. Il se peut que demain tu ne sois même plus vivant. Il se peut que demain tu en sois incapable. Il se peut que demain tu n'en aies plus les moyens. Donc empresse-toi vers le bien tant que tu en es encore capable. Ka'b radiallahu anhu dit ensuite, après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je sortais parmi les gens, j'étais triste de ne voir aucun modèle pour moi, à l'exception d'hommes accusés d'hypocrisie ou d'autres âmes parmi les faibles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a excusés. Subhanallah. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti avec ses compagnons radiallahu anhum, Ka'b radiallahu anhu sort. Il se rend compte de la gravité de la situation. Il s'attriste de ne plus voir à Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni les compagnons de Badr, ni les compagnons de l'allégeance de l'Aqaba, ni autres si ce n'est les hypocrites qui se sont absentés en raison de l'hypocrisie et des gens faibles qui sont excusés. Et peut-être d'autres qui étaient restés sous ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour surveiller Médine et y accomplir certaines tâches. Il s'attristait donc de se retrouver avec eux à Médine alors que lui n'avait aucune excuse. C'était un homme fort, il avait les moyens de partir. Et là, il se rend compte de la gravité de la situation. Il dit ensuite, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne me mentionna qu'une fois arrivé à Tabouk. Alors qu'il était assis au milieu des gens, il dit « Qu'a fait Ka'b ibn Malik ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'interroge au sujet de son compagnon. Il remarque qu'il est absent. Il interroge donc à son sujet, il s'enquiert au sujet de ceux qui sont sous son autorité. On voit donc le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons prendre pour modèle. Il y a une leçon ici à tirer. Si tu as des personnes sous ton autorité, il t'incombe d'être conscient de ta responsabilité. Si tu as des épouses, des enfants, des petits frères et sœurs sous ta responsabilité et sous ton autorité, sois conscient que tu dois observer ce qu'ils font et être attentif à ce qu'ils agissent d'une bonne manière, à ce qu'ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, à ce qu'ils délaissent les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdits. Ne pense pas que si tu es négligent, tu n'auras pas de compte à rendre. Chacun d'entre vous est responsable et sera interrogé au sujet de ceux qui sont sous sa responsabilité. Tu dois prendre conscience de cela. Ne laisse pas tes enfants dehors du matin au soir sans t'interroger sur ce qu'ils font, sans interroger à leur sujet. Mais demande-leur, est-ce qu'ils ont prié? Soucie-toi des personnes qu'ils fréquentent, que ce soit les personnes qu'ils fréquentent physiquement, ou aujourd'hui malheureusement les personnes qu'ils fréquentent à travers les réseaux sociaux, avec les téléphones, avec les tablettes, ordinateurs et autres. Tu es responsable de cela. Et tu dois être conscient de ta responsabilité, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit que Ka'b est absent, il dit « Ka'f et Ka'b ibn Malik ». Il s'enquiert à son sujet, sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, tu dois t'enquérir au sujet de ceux qui sont sous ton autorité, afin de veiller qu'ils ne soient pas négligents vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, et qu'il délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Ensuite, Ka'b radiallahu anhu a dit, un homme des Bani Salama répondit, ô messager d'Allah, il a été retenu par ses beaux vêtements et l'admiration qu'il éprouve pour sa personne. Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu lui répondit alors, comme est mauvais ce que tu viens de dire. Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam resta alors silencieux. Donc on voit ici qu'il est permis de critiquer quelqu'un en fonction de ce qui est apparu de ses actes, notamment si cela est pour défendre la vérité, pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme de Bani Salama ici s'est prononcé en fonction de ce qu'il pensait, étant donné qu'il a vu que Ka'b radiallahu anhu s'est absenté sans aucune excuse valable en apparence. Et Mu'adh radiallahu anhu n'a pas accepté cette parole. Il lui dit, comme est mauvais ce que tu viens de dire. Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. On voit donc qu'il est permis également de répondre à la critique, de s'opposer à la critique, lorsque tout laisse à penser que cette critique est infondée et qu'elle n'est pas justifiée. Comme l'a fait Mu'adh radiallahu anhu. Et il y a un grand mérite en cela à défendre l'honneur de son frère duquel on ne connaît que du bien. Et la preuve de la permission de la critique, ainsi que la permission de la réponse à la critique, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne blâma ici aucun de ces deux hommes. Ni l'homme des Bani Salama, qui a critiqué Ka'b, ni Mu'adh, radiallahu anhu, qui l'a défendu. Il resta silencieux, et ne les a pas blâmés ni l'un ni l'autre. Ka'b dit ensuite, alors qu'il se trouvait ainsi, il vit apparaître à l'horizon un homme habillé de blanc, se déplaçant tel un mirage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, soit Abu Khaythama. Et ce fut Abu Khaythama al-Ansari radiallahu anhu, l'homme qui avait été raillé par les hypocrites lorsqu'il avait donné en aumône un sa' de date. Un sa' qui est une quantité qui équivaut approximativement à 3 kilos. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit cet homme arriver, il dit soit Abu Khaythama. Et les savants ont expliqué que ceci provient ou bien de la perspicacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de sa bonne vision. Car il était parmi les hommes le plus fort en termes de vue, d'ouïe, et ainsi de suite. Et Abu Khaythama, radiallahu anhu, comme mentionné dans le hadith, c'est le compagnon qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons à faire l'aumône, il est venu avec un sa' de dattes, une petite quantité, 3 kilos de dattes. Chacun faisait des aumônes en fonction de ce qu'il possédait. Certains venaient avec des aumônes abondantes et d'autres avec des aumônes moindres que celles-ci. Et les hypocrites, lorsqu'ils voyaient un homme venir avec une aumône abondante, ils disaient « Celui-ci fait de l'ostentation. Il ne recherche pas le visage d'Allah à travers cette aumône. » Et lorsqu'un homme pauvre venait et faisait une aumône de moindre valeur, il disait « Allah se passe certes de l'aumône de celui-ci. » On voit donc, wal'iyadhu billah, que quoi que fassent les croyants, les hypocrites vont les dénigrer. Et cela nous démontre le mal des hypocrites et leur danger sur la communauté. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui fait des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'étude de la science, dans la propagation de la science, ils vont le dénigrer, essayer de le rabaisser, l'accuser d'ostentation, l'accuser de chercher les éloges, les compliments, la notoriété, ainsi de suite. Et lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui a des manquements, ils vont se railler de lui, le mépriser. Comme le font nombre de personnes parmi les gens de l'innovation et de l'égarement qui vont se servir des erreurs de certaines personnes parmi les gens de la sunna et de leurs manquements dans le suivi de la droiture pour remettre en cause la légitimité et plutôt même l'obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs rahimahumullahu ta'ala. Et ceci fait partie des signes de l'hypocrisie, wal'iyadu billah. Et les hypocrites sont les gens les plus mauvais parmi les serviteurs d'Allah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet qu'ils sont au plus bas fond du feu. Et ne pensez pas que les hypocrites ne sont plus présents aujourd'hui. Ils sont encore présents jusqu'à aujourd'hui, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils voient les gens faire le bien, appeler Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts dans le prêche, commander le bien, interdire le mal. Qu'est-ce qu'ils disent à leur sujet? Ceux-là sont durs. Ceux-là sont des mises en gardistes. Ceux-là sont arriérés. Et autres paroles semblables. Et ça, c'est un comportement qu'ils ont hérité des hypocrites qui étaient présents au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on tire de cette partie du hadith de nombreux bénéfices et parmi eux deux bénéfices immenses. Le premier que l'on a mentionné, et qu'il ne convient pas à l'homme de repousser les œuvres de bien qu'il est capable d'accomplir. Tu dois aller de l'avant, ne pas négliger les œuvres de bien et ne pas être pris de paresse. Médite sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ceux qui viennent en avance pour atteindre le premier rang lors de la prière en groupe et ceux qui restent en arrière, ne se précipitent pas vers le premier rang. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, des gens ne cesseront de tarder jusqu'à ce qu'Allah les repousse, jusqu'à ce qu'Allah les retarde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu t'habitues à repousser les œuvres de bien, à tarder à accomplir le bien, alors il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te repousse et que tu n'arrives plus à faire partie de ceux qui vont de l'avant dans le bien. Tu dois donc t'empresser de faire le bien et ne pas le retarder. Dès que tu en as l'occasion, fonce. Accomplis tout ce dont tu es capable. Et ne dis pas « cela, je pourrai le faire demain, ça, je le ferai plus tard, et ainsi de suite, j'ai le temps ». Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. La mort peut venir cette nuit. Tu n'as pas le temps. Il se peut que tu tombes malade et que tu ne puisses plus accomplir cette action. Tu n'as pas le temps. Il se peut que tu sois éprouvé, que tu sois pris de paresse ou d'incapacité, et que tu ne puisses plus accomplir cette action. Donc, empresse-toi. Empresse-toi tant que tu en as l'occasion. Le deuxième bénéfice parmi les bénéfices de ce hadith, ou plutôt de cette partie du hadith, est que les hypocrites ont pour habitude de se railler des croyants, et de les mépriser, de les rabaisser. Quoi qu'ils fassent, comme on l'a vu, ils se sont moqués de Abu Haytham, radiyallahu anhu, en raison de son aumône qui était moindre que celle d'autres compagnons. Alors qu'en réalité, l'aumône, quelle que soit sa valeur, elle ne doit en aucun cas être méprisée. Elle ne doit en aucun cas être méprisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Protégez-vous du feu ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône ?» Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans son noble livre « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » Celui qui fait le bien fuse du poids d'une petite fourmi, il le verra. Il le retrouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc tu ne dois pas mépriser le bien et ne pas te laisser détourner par les critiques et les railleries des hypocrites qui ne cherchent qu'à faire reculer la diffusion de cette religion et éloigner les gens du suivi de la vérité. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on essaiera, inshallah ta'ala, de terminer la lecture et l'explication de ce hadith dans le prochain cours. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا